La politique de la vérité, des corses et des traiteurs, des races et des métis, des libertés, des démocraties et des respect. On dit qu'il est construit de bas en haut, mais de nombreuses fois c'est l'inverse. De la famine, de la maladie, d'ignorance, pas d'éducation, de la fermeture de certains, de ma voix de bas qui roule la santé, de marchés ouverts, de concurrence loyale, de la mondialisation, de la connaissance en ligne, de la communication instantanée, de voir dans le passé, de voir dans le futur, de voir dans le présent. Ne pas oublier les oubliés. Ne pas oublier l'enfant, les femmes, les hommes. De gros revenus, des revenus moyens, des revenus qui ne sont pas de misère. De promouvoir les formations, de promouvoir les avances, de promouvoir les projets. D'oublier les appels d'offrir cher et tester. Pouvant créer les corruptions, que les bras armés a frappé avec une incision où il devra frapper, de moderniser les communautés, pour scanner sous une somme les contenus. Ce que l'enfant voit et vit les 12 premières années, les marquer pour la vie, de prévenir, de corriger à temps, de forger un bon futur, de crédibilité en notre d'appui, d'équilibre, de société de toutes les manières. Les cavaliers.